Membership, un panier de certificats cadeaux d'une valeur de 200$. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. 1, 2, 3, 4 et... Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Soyez à l'écoute de notre Radiothon le vendredi 1er avril. CKRL vous présente une soirée exceptionnelle avec, entre autres, Valérie Clio, Inextalis et plusieurs invités surprises. Venez assister à l'inauguration du studio Denis Barry. Cette journée vous sera présentée par la Caisse d'économie solidaire Desjardins. CKRL est l'une des 3000 entreprises collectives du Québec financées et soutenues par la Caisse d'économie solidaire. Pour ce faire, la Caisse solidaire regroupe l'épargne et conseille en matière d'investissement responsable plus de 10 000 citoyens comme vous et leurs organisations. Faites fructifier votre argent tout en contribuant à votre communauté avec le placement à rendement social au www.placement.coop. Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Carreau au micro pour cette édition du 29 mars et je suis accompagnée de Jean-Tiane Lafrance. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonsoir, Audrey. Alors, ce soir, on a une émission 100% entrevue à proposer à nos auditeurs. Tout en rencontre. Exactement, mais on va parler de sujets assez variés, donc différents intervenants qui vont venir discuter avec nous à la fois d'exposition, de numérique, de projets d'échange et de documentaires. Donc, en première partie d'émission, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec Marie-Christiane Mathieu au sujet de son exposition « Musique de char, toujours plus à l'ouest » qui est présentée actuellement à la Galerie des arts visuels. Et par la suite, je vais rencontrer Anne-Josée Lacombe, responsable de la médiation numérique au Musée national des beaux-arts du Québec. Et on va parler, bien sûr, de médiation à l'ère des nouvelles technologies. Et qu'est-ce qui nous attend, Jean-Tiane, en deuxième partie? Bon, on va poursuivre avec notre couverture de l'échange Québec-Bangkok qu'on a commencé la semaine dernière. Et je vais rencontrer Richard Martel, qui est directeur du lieu, le lieu qui a initié ce projet-là. Donc, Richard Martel va nous parler plus amplement du projet d'échange avec la Thaïlande. Et en fin d'émission, on va recevoir Alexandre Berthier, qui va venir nous parler du documentaire BGL Canada Simo, qui retrace le périple du collectif BGL à la Biennale de Venise en 2015. Donc, ce documentaire qui va être présenté en grande première vendredi au Musée national des beaux-arts du Québec. Oui, alors voilà, c'est quand même assez des sujets, moi, qui m'attirent et j'aime ça quand on a de la variété comme ça. Et peut-être rappeler à nos auditeurs, bien sûr, de nous suivre sur notre page web ou notre page Facebook. Bien sûr, toutes les informations de l'émission, la balado-diffusion, les actualités, vous allez trouver tout cela et surtout qu'on va avoir dans deux semaines notre dossier. Vous savez qu'à l'automne, on avait fait un dossier spécial sur l'art public, donc une heure en entier sur ça. Eh bien, on va passer le 12 avril prochain une heure pour parler de médiation. Donc, Anne-Josée va être un petit peu en prélude à notre hors d'œuvre. Exactement, un hors d'œuvre pour notre dossier de médiation. Donc, plusieurs invités qui vont être là, des collaborateurs également aussi. Alors, on va aussi avoir plusieurs billets aussi de nos collaborateurs là que vous entendez ici à l'émission qui vont être publiés sur la page. Donc, ça vaudra la peine d'aller jeter un œil. Donc, je vous rappelle l'adresse, l'aérospatiale ckrl.wordpress.com. Sinon, ben, on va aller faire une courte pause audio avec un groupe qu'on a entendu il y a quelques semaines, Teveski, et c'est un groupe qui vient de Perth en Australie, donc minimal, dub, techno. Bref, on s'en va écouter un premier extrait de l'album qui porte le même nom, donc What the Moon Brings. Alors, je suis en compagnie de Marie-Christiane Mathieu. Bonsoir, Marie-Christiane. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très, très bien, merci. Super. Alors, vous présentez à la Galerie des arts visuels cette exposition, donc « Musique de char, toujours plus à l'ouest ». Une exposition, somme toute, assez diversifiée, hein, parce que ce n'est pas que sur le plan visuel, mais c'est sonore. Donc, un projet qui a débuté à l'automne 2014, c'est ça? En fait, le projet tel qu'il est présenté actuellement a commencé au mois de septembre 2014. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez que je vous parle oui, un peu ben du allez-y, du projet? Oui, allez-y, présentez-nous-là un peu de ce projet-là parce qu'il est assez volumineux. Ben, en fait, il fait suite à un autre projet qui s'appelait Musique de char et qui se passait sur la 20. Mm-hmm. En fait, le projet Musique de char toujours plus à l'ouest, ben il va se dérouler sur la transcanadienne de l'est du Canada. Mm-hmm. En fait, je suis partie de l'île Fogo mm-hmm. jusqu'à l'île de Vancouver. Et j'ai suivi la transcanadienne d'est en ouest en captant des sons, en prenant des vidéos, des images, des photos. Donc, différents types de médias ont été utilisés et je rends dans la galerie, ben je fais une mise en espace de ces documents-là, en fait. Mais c'est intéressant parce que ça va au-delà du document justement qui est présenté là. On suit le périple à la fois de façon vidéo, donc il y avait des caméras qui étaient posées vers la route, d'autres à l'intérieur, hein, parce que c'est en petit campeur finalement que vous êtes baladé, puis vous étiez accompagné aussi. Oui, en fait c'était plutôt un gros campeur. Oui, c'est vrai. Parce que je l'avais vraiment choisi pour en faire comme un laboratoire sur route. Mm-hmm. Donc, tous les documents qui sont photographiés ou filmés sont pris de l'intérieur du camion, comme si le camion était lui-même un outil. Donc, oui, alors il y avait des différentes petite caméra GoPro qui nous filmait à l'intérieur, mais qui filmait aussi droit devant, vers où on allait. Et j'étais accompagnée de Geneviève Gasse, qui était à l'origine une étudiante à la maîtrise, qui m'a aidée dans mon projet de recherche, parce que, bon, évidemment, c'est un projet de recherche. Et au fur des mois et des années qui ont suivi, elle m'a toujours suivi dans ce projet-là. Donc, oui. Ce sont des choses qui arrivent. Exact. c'est vraiment intéressant parce que c'est ça, ce projet-là aussi, on vous suit, on vous voit justement en train de travailler, en train de conduire dans tout ça. Puis moi, j'étais curieuse de demander... Au départ, je pense que Lisanne me disait que bon, c'était une captation un peu du quotidien de ce que vous, des actions que vous faisiez au quotidien, mais que de fil en aiguille, vous avez pris conscience de la que vous étiez en représentation aussi, ouais, par rapport à cette caméra-là qui vous filmait. Exactement. Mais en fait, le but premier du projet suivait le but du le projet qui était sur la 20, qui était d'aller capter les fréquences radio. Mm-hmm. Mais là, c'est pas les radios commerciales, mais les radios, toutes sortes de radios, de la police, de la voirie. Les gens qui ont des ondes, qui pouvaient acheter des fréquences. Qui peuvent acheter des fréquences, exactement. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'était de partir à travers le Canada et de ramasser ces fréquences-là. Donc, c'était de traverser, si je peux dire, le paysage mm-hmm. fréquentiel. Oui. Et donc, alors on est parti avec cette intention-là, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le voyage, effectivement, on a pris conscience que peut-être que les caméras qui étaient là pourraient nous servir à autre chose aussi. Mm-hmm. Peut-être qu'on pourrait s'en servir pour une présentation en salle ou on savait rien à ce moment-là, je savais rien. Et donc, j'ai même aménagé à l'intérieur du camion une caméra obscura mm-hmm. qui avec laquelle j'ai pris des photos des moments où on était arrêté, donc oui. des photos des campeurs, des parkings, là, mm-hmm. des campings, c'est ça. Mm-hmm. Des Walmart, tu sais, c'est place. Donc, on les voit justement dans l'exposition. Moi, je trouvais ça très beau. En tout cas, sur le plan esthétique aussi, c'est très beau parce que ça donne des paysages qui sont quand même assez un peu sombres. Ouais. Il y en a un en couleur, hein, où on décèle un peu ouais. de couleur. Ouais. Mais je trouvais ça beau aussi parce qu'en même temps, il vient de cette ambiguïté de « on ne sait pas trop ». Où est-ce que ça a pu être pris en quelque sorte, mais c'est ça donne oui une uniformité à ce paysage là, mais enfin je trouvais ça intéressant aussi que vous ayez comme amené cet aspect là un peu moins techno parce que je me dis déjà c'est très low c'est l'origine de la photographie là oui. on tombe vraiment dans les c'est vrai ouais. Puis moi je suis un peu connue parce que je suis techno, j'utilise mm-hmm. beaucoup les technologies. J'ai toujours fait ça, ma pratique se caractérise par ça. Et puis cette fois-ci, en fait, c'est peut-être que le camion est devenu mon outil. Donc, dans les projets à venir, ça va être j'en ai acheté un d'ailleurs, okay. donc je vais mm-hmm. le travailler. Mais ça me tentait de travailler, vu qu'on était toujours à l'intérieur, vu que toutes les captations se font de l'intérieur, mm-hmm. ben la caméra obscura devenait comme quelque chose d'intéressant parce que ce sont des images qui arrivent à l'intérieur mm-hmm. de la chambre noire oui. que mm-hmm. l'on prend. Donc, c'est pas un appareil qu'on tourne vers le paysage en disant « Ah, tiens, je vais prendre une photo de la belle montagne. » C'est la montagne entre dans notre habitacle. Ouais. Et là, on la fixe. Et il y a deux séries dans ces photos-là. Il y a une série qui est très sombre. Donc, c'est celle-là que je présente à la galerie. Et il y en a une qui est très lumineuse. Donc, c'était pas parce qu'il faisait plus ou moins soleil, mm-hmm. mais je pense que c'était parce que j'étais pas du bon côté quand, tu sais, j'étais peut-être le matin, le soleil était peut-être en arrière du camion ou en avant, ou je sais pas trop, à contre-jour. Mm-hmm. Donc, ça donne et c'est toujours pris d'un certain point de vue haut parce que vu que c'est un campeur, on pourrait dire, c'est un RV. On mm-hmm. pourrait dire oui, un RV. Oui, c'est donc, ma sténopée, mon petit trou, était très haut. Donc, on voit toujours le haut des autres roulottes. Ouais. Et ça donne un peu un petit air de science-fiction. Les gens, tu sais, certaines photos, on pourrait mm-hmm. se demander qu'est-ce que c'est exactement. Oui, c'est ça. Et puis, moi, une chose sur laquelle j'aimerais revenir, parce qu'on a, on l'a légèrement évoqué, moi, ce qui, en regardant tout ça, c'est la notion de paysage qui m'est revenue parce que à la fois, oui, paysage, on suit le paysage oui. dans votre périple, un paysage qui change aussi. Oui, à tous les jours. À tous les jours, d'est en ouest. Oui. Puis aussi, la captation des fréquences oui. sur la route exact. Nous amène aussi un paysage tout autre. Oui, un paysage sonore, fréquentiel, mais aussi des gens également, oui, comme exact. Qui peut nous donner, selon les endroits, une sorte de portrait socio-économico-culturel selon la région. Donc, finalement, on découvre le Canada, mais sous un paysage un peu atypique, si je peux dire. Ben, ça a été notre découverte, en fait. Bon, le Canada, plusieurs artistes l'ont fait d'est en ouest, l'ont filmé. Mais d'enregistrer ces fréquences-là, c'est vrai qu'en écoutant, on se rendait compte que dans une telle région, les gens sont plus préoccupés par, mettons, le train. Mm-hmm. Alors, on entendait, il y avait beaucoup de fréquences achetées pour le train. Dans une autre province, c'était beaucoup les églises. C'est ça. Les églises achètent des fréquences pour transmettre leur message à leur population ou juste pour entretenir des liens avec leur communauté. Faut dire aussi que, j'aimerais spécifier qu'à tous les jours, c'est un vidéo différent que je présente. Exact, oui. Donc, les gens qui vont venir demain, vont voir une section du voyage et ils vont revenir le lendemain et ça va être une autre partie du voyage. Donc, pendant 24 jours d'exposition, on fait le voyage d'est en ouest. Alors, à chaque jour, c'est une autre vidéo qui joue, c'est une autre partie du Canada aussi. Mmh. Exact, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis passée. On me l'a ouvert spécialement. Ouais, mais c'est ça, là, vous étiez entre, vous faisiez Lillet et Drummondville. Puis il y a quelque chose du protocole, au sens que je sais qu'il faut faire ça vite, là, mais vous êtes imposé au fil du temps aussi un certain protocole ou un rituel. C'était obligatoire aussi. Parce que pour faire un voyage comme ça avec quelqu'un qu'on connaît plus ou moins, c'est pas un voyage de plaisance. Donc, il faut vraiment que notre temps soit réglé. Puis de toute façon, il y avait tellement de documents à compiler à chaque soir. Il fallait être très organisé. Donc, le matin, on avait notre protocole, on en avait nos vêtements aussi. À un moment donné, la question de l'habillement est devenue très importante parce que ça a comme donné forme au projet. À partir du moment où on a eu une casquette, une chemise, on a dit voici, nous sommes des artistes au travail. Exact. Puis aussi, ça fait vous entrer aussi dans cet univers des routiers en quelque sorte avec la chemise à carreaux puis la casquette de trockeur, là, si on peut dire, camionneur, de chasseur. De la chasse à cette époque-là. Un beau orange vif. On en avait quelques-unes, on changeait. Oui. Alors, comme moi, c'était une belle casquette orange. Ouais, c'est ça. Puis, pour terminer aussi, simplement dire aussi la projection de ces images-là. Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant que ce soit diffusé, non pas sur le mur, mais sur des panneaux de bois qui reprennent un peu ces enseignes publicitaires qu'on croise tout le long de la route. Donc, je trouve que ça ajoute au discours aussi de l'œuvre. Puis, il y a la texture aussi du bois qui entre dans l'image vidéo également, qui ajoute une petite chaleur. Ou un petit plus, on dirait. Ouais, ouais. Enfin, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ce projet. Puis j'invite vraiment tout le monde à passer à la Galerie des arts visuels parce que c'est une très belle exposition. Parce que, comme je disais, on va au-delà du documentaire, je trouve. Ouais. Puis on a ce paysage canadien, finalement, pan-canadien qui nous est tracé. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, je vous rappelle, c'est jusqu'au 17 avril à la Galerie des arts visuels. On s'en va faire une pause audio, donc on s'en va écouter Dirac C. Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale et je suis en compagnie de Anne-Josée Lacombe. Bonjour, Anne-Josée. Bonjour, Audrey. Alors, on avait envie de faire des portraits de travailleurs du milieu culturel pour vous montrer l'étendue aussi de tout ce beau milieu qui se trouve à Québec, mais en même temps aussi, on s'est dit, ben pourquoi pas préparer notre dossier, mettre un peu la table en parlant de médiation. Donc, Anne-Josée, toi, tu es responsable de la médiation numérique au Musée des Beaux-Arts, National des Beaux-Arts du Québec. Et oui, c'est ça. Donc, oui, c'est voilà. Ça fait longtemps, de toute façon, que tu es en médiation, donc déjà quelques années. Mais là, tu as eu ces nouvelles fonctions-là qui se sont ajoutées tout récemment. Oui, tout à fait. En fait, ça fait 4 ans et demi. Que je travaille au musée maintenant. J'ai fait du travail de terrain au musée. J'ai été guide animatrice au départ. Ensuite, j'ai été responsable des guides animateurs et des programmes éducatifs. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui vient de la médiation. Mm-hmm. Et grâce au plan culturel numérique du gouvernement du Québec qui a été annoncé l'an dernier, au musée, on a reçu des subventions donc pour faire des projets de médiation numérique, faire diffuser nos œuvres, nos collections, par exemple. Et ce qui, au départ, devait être un projet auquel je participais, s'est avéré très gros et on m'a finalement libérée complètement dernièrement pour que je me consacre uniquement à ça. Mm-hmm. Fait que c'est quand même un gros, c'est un gros mandat tout de même aussi, le numérique, parce que ça peut aller dans toutes sortes de directions aussi. Et quel est justement ce mandat spécifique qu'on t'a donné par rapport au musée aussi? Je dirais qu'il y a une particularité qui est propre au fait que c'est un musée d'art et non pas un musée d'histoire, par exemple. C'est-à-dire qu'au musée, on est en face d'objets uniques. On est en face d'œuvres d'art qui sont faites pour être contemplées, pour être admirées. On a une relation unique avec ces objets-là. Et tout le défi de la médiation numérique, c'est de ne pas détourner l'attention de cet objet unique-là. C'est ça. Pas que ça devienne un gadget, finalement, cette médiation-là. Tout à fait. Donc, je pense qu'au musée, on a adopté une attitude très prudente dès le départ. C'est-à-dire qu'on y va un projet à la fois. Ça a pris de l'ampleur depuis le temps, mais on y va un projet à la fois et on est très réceptif aux commentaires de nos visiteurs. Donc, le grand principe qui est à la base de tout, c'est de ne pas mettre d'écran entre le visiteur et l'œuvre d'art. Mm-hmm. À partir de là, on explore. On a fait quelques média guides, donc nos audio guides ont été remplacés par des guides sur tablette. Et donc, c'est là tout le défi d'avoir un support visuel qui amène des explications supplémentaires à propos des œuvres d'art, mais qui ne deviennent pas encombrants, ce support-là. Donc, on a commencé par une formule plutôt traditionnelle. On est très près de l'audio guide dans les premiers tests qu'on a fait avec quelques images complémentaires et depuis, on peaufine ça. On s'en va bien sûr vers de nouveaux projets. Je ne veux pas vous en dire trop. Oui, mais... on sait. Avec le nouveau pavillon, ça amène justement cette ouverture-là, c'est des possibilités là aussi. Absolument. Dans le numérique, en fait, ce qui est particulier, je pense, c'est que tout bouge très vite. Mm-hmm. Et on a des idées aujourd'hui qui sont techniquement très difficile à faire, qui dans 2 ans, par exemple, vont être très facilement réalisables, probablement. Donc, l'idée, c'est d'y aller étape par étape et surtout de ne pas chercher systématiquement à remplacer ce qu'on fait déjà très bien autrement. Oui. Par exemple, en salle, on a des cartels à côté des œuvres avec des textes explicatifs. Il n'y a pas d'intérêt à remplacer un texte sur un mur par un texte sur un écran. Exact. Donc, l'idée, c'est de ne pas tomber dans le panneau du numérique à tout prix, de se dire « on a une subvention, donc on y va ». C'est de réfléchir et de ne pas tomber dans ce que j'appelle le mirage numérique, numérique. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que parce qu'il y a des écrans, parce que c'est interactif, parce qu'on peut faire toutes sortes d'effets, on peut faire de la réalité augmentée, parce qu'on peut recréer des endroits. Le musée va nécessairement gagner, attirer une clientèle plus jeune, etc. Le numérique n'est pas un produit d'appel. De nos jours, il n'y a plus beaucoup de monde qui sont impressionnés, en fait, par le numérique. Ça fait partie de nos vies. Surtout les jeunes générations, absolument, là, qui ont grandi avec Internet, mais aussi tous les gadgets, les téléphones, les ordinateurs et tout, là, oui. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de servir du numérique, mais de la manière la plus discrète possible pour amener des explications, des compléments d'informations les plus pertinents possibles à propos des œuvres qui sont présentées. Et ce que le numérique nous permet de beau, je pense, et c'est ce que j'explore de plus en plus, c'est de tisser des liens entre plusieurs informations, des liens qu'on n'aurait pas pu faire, par exemple, dans un audioguide ou sur un texte en salle, parce qu'on ne peut pas... on peut pas amener les gens à choisir l'information qui les intéresse. On offre une information de base et ensuite on peut offrir des compléments d'information autour de ça. Donc ça, pour moi, c'est une des belles possibilités du numérique dans un cadre muséal. Oui, puis je pense qu'aussi peut-être un de ces défis-là, bon oui, tu le mentionnais, de pas trop rester dans le l'espèce de gadget et tout, mais je me dis aussi le défi du temps aussi, parce que tout bouge vite, tout va vite. Est-ce que ces applications-là vont perdurer dans le temps? Ben jamais autant que l'audio guide traditionnel qui, en tout cas, a été une institution. Qui a eu une longue carrière. Longue carrière au musée, en tout cas. Mais je veux dire, c'est ça aussi, je pense que ce numérique-là, le fait que tout va très, très vite, qu'on développe des applications, c'est quasiment toutes les semaines et tout, de faire que ça perdure dans le temps aussi, j'imagine, c'est un des beaux défis de tout ça. Je pense que la pérennité numérique, c'est pas un objectif qu'on se donne vraiment. Je pense que tout le monde est conscient qu'on peut pas faire quelque chose aujourd'hui qui va être encore là dans 10 ans. C'est sûr, mais donc, au moins qu'il soit pas désuet au bout de 6 mois. Tout t'sais. À fait. D'où l'importance, en même temps, d'éviter l'effet gadget, c'est-à-dire que si on y va avec une information de base simple, claire, avec des liens évidents pour les utilisateurs, d'utilisation facile, ben justement, ça a des bonnes chances de durer plus longtemps que si on est dans l'effet wow recherché à tout prix. Puis une des choses, en tout cas, je sais pas, peut-être ça te ça touche moins ton département, mais un des éléments du plan culturel numérique au musée, c'est notamment ces petites vidéos, une œuvre expliquée qui, je pense, semble avoir un bon succès sur les réseaux sociaux et le site du musée, où quelqu'un du milieu artistique ou une personnalité connue vient en quelque sorte analyser une œuvre, donner son commentaire sur une œuvre en compagnie d'un conservateur au musée. Enfin, ça a donné des fois des petits faits cocasses. D'autres, des fois, je pense à une des dernières là, qui a été faite avec Anne-Marie Bouchard, et j'oublie malheureusement son Natacha nom. Natacha Canapé-Fontaine. Voilà, donc sur une œuvre à caractère historique, mais sur la rencontre de Jacques Cartier avec les Premières Nations. Mais c'est quand même intéressant parce qu'aussi, ça amène un autre regard sur ces œuvres-là. Absolument. Et ça, c'est un projet qui est piloté par ma collègue Marie-Hélène Raymond. Et ce qu'il y a de très intéressant avec cette série, qui vient de remporter un prix à Paris, d'ailleurs la semaine dernière, si je ne me trompe bravo. Pas. Bravo! Oh, wow, bravo! Donc, ce qu'il y a de très intéressant avec cette série-là, c'est que justement, ça remplit tout à fait les objectifs du plan culturel numérique du Québec, soit de diffuser nos collections, de les faire connaître et de les rendre accessibles au grand public. Parce qu'on ne se le cache pas, on vient tous du même milieu. Il y a encore une grande barrière de la part du grand public qui pense qu'un musée d'art, ça peut être intimidant. On a l'impression qu'on n'a pas assez de connaissances pour pouvoir apprécier. Voilà. Mm-hmm. Alors que tout le monde est à même d'apprécier une œuvre d'art. Tout ce que ça prend, c'est un regard dessus. Quand on travaille en médiation culturelle, l'idée, c'est de faciliter peut-être la relation des gens avec l'œuvre d'art, mais tout le monde est à même, sans connaissance préalable, d'observer et d'apprécier une œuvre d'art. Exact. Bon, mais enfin, on a bien hâte de voir aussi ce qui se trame pour les prochains mois. On le sait que l'ouverture du musée, du nouveau pavillon du musée s'en vient à grands pas, donc le 24 juin. Bien sûr. Donc, on pourra probablement, j'imagine, découvrir des projets sur lesquels tu travailles. Tout à fait. Exact. Ben, Anne-Josée, merci beaucoup d'être venue nous parler un peu de ton quotidien, de ce mandat qui t'a été donné sur la médiation numérique. Je pense que ça allumer des lanternes à beaucoup de gens. Oui, on est très curieux. Merci beaucoup, Anne-Josée. Merci à vous de m'avoir reçue. On s'en va en pause publicitaire. On vous revient pour la deuxième moitié de l'émission. CKRL 89.1. Québec. OK. Parce qu'on aime CKRL, donnons généreusement. Salut, c'est Pascale Picard. Je suis très heureuse d'être co-porte-parole du prochain Radiothon 2016 en compagnie de M. Alain Girard. Je vous invite à passer nous voir au 405 3e Avenue pour assister aux émissions spéciales toute la fin de semaine du 1er au 3 avril ou à faire un don en ligne dès maintenant sur ckrl.qc.ca. L'objectif est 40 000 $. Soyez généreux! I'm such a professional! Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... La démolition familiale, Le Homard, Le jeune Missy, Mobile étoile, Le rang du lion, Une seconde chance. Et à ne pas manquer au musée de la civilisation, Shakespeare's Duchess of Malfi, Le Homard. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Découvrez le nouveau son de Saint-Germain. Saint-Germain revient avec un nouvel opus mélangeant jazz, blues, électro et musique africaine. Saint-Germain, en spectacle le 5 avril à l'Impérial Bell. Billets sur impérialbell.com. Le samedi 2 avril prochain, la programmation spéciale du Radiothon vous en mettra plein les oreilles avec comme invités Coco Méliès, Nima, Jérôme Minière, Florence Lompré, Paul Darèche et plusieurs autres. Une table ronde sur la radio et les possibilités numériques, notre 5 à 7 rockabilly. La Fabrique culturelle.tv s'associe à CKRL pour vous présenter cette journée qui détonne. Les artistes d'ici sont toujours plus nombreux à adopter la Fabrique culturelle. Moi, je pense que la Fabrique, là, c'est un privilège. C'est très certainement la plus belle occasion qu'on a d'être curieux. Je trouve que la Fabrique a une sorte de liberté que peu de gens ont. Par le web, le partage, c'est le nouveau bouche à oreille. C'est vraiment un rafraîchissement des méthodes de diffusion. Peu importe le lieu où je me trouve dans le monde, je me branche sur lafabriqueculturelle.tv. De retour à l'aérospatiale. Donc, en seconde partie d'émission, on reçoit aujourd'hui Richard Martel. Bonsoir, Richard. Bonne soirée. Je ne sais pas si c'est le soir, mais c'est encore clair dehors. Oui, depuis qu'on a changé l'heure, tout a changé. Le concept de soir. Oui. à la rencontre de l'autre, c'est un projet d'échange qui présente actuellement le travail d'artistes thaïlandais dans 5 centres d'artistes de Québec. Mm-hmm. Je me demandais d'où est-ce qu'est venue l'idée d'organiser un échange entre les artistes de Québec et les artistes de Bangkok. D'où émerge ce projet-là? Bien, c'est parce que c'est pas le premier non plus, hein. Puis, la première fois qu'on est allé à Mexico en 2001, en 2004 à Cracovie, en 2008 à La Havane, en 2011 à São Paulo et en 2015, évidemment, à Bangkok. Vous remarquerez qu'est-ce que la spécificité de ces villes, c'est que c'est pas des villes nécessairement qui sont très reconnues comme des capitales artistiques. Je veux dire, c'est des gens qu'on appelle la périphérie. Je veux dire, et ça fait des années que moi, je voulais faire cet échange avec Bangkok parce que ça fait quand même, j'ai été à plusieurs reprises dans les festivals et autres. Et c'est surtout parce que c'est un pays bouddhiste. Donc, c'est pas la même approche, c'est pas la même mentalité. C'est bien pour que les artistes puissent vivre des expériences qui sont un peu renouvelantes, du moins avec des nouveautés. Et c'était, évidemment, c'est une capitale extraordinaire, c'est une ville extraordinaire aussi. En même temps, c'est que on devait faire cet échange avant l'échange qu'on a fait avec la Havane, qui était donc en 2008, parce que il est arrivé à Bangkok, comme vous savez, dans les dernières années, des inondations, des soulèvements, les chemises roses, rouges, pardon, qui ont occupé l'aéroport pendant je sais pas combien de temps. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements dans les dernières années. Ça a toujours retardé, finalement. Mm-hmm. On devait donc faire ce projet-là presque il y a 10 ans, finalement. Et aussi parce que, à l'époque, j'avais visité aussi plusieurs petites endroits. Des galeries, disons, plus que des centres culturels, des petites galeries. Et est arrivé un hasard aussi, c'est qu'il y a quelques années, un artiste qui s'appelle Vazan Sitiket, qui est un très bon artiste en passant, est un des artistes importants actuellement en Thaïlande, avait fait. S'était envoyé aux élections comme parti artistique. Mm-hmm. Et c'était l'idée, oui, on veut un musée, on veut pas un centre d'achat. Et curieusement, en 2006 ou 2008, va ouvrir à Bangkok de Bangkok Art and Culture Center. Oui. Et c'est un truc énorme. Donc, oui, c'est une espèce de centre d'achat, mais centre d'art. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, on avait rencontré mon ami Shumpa Napisuk, qui s'occupe de Concrete Cars, qui organise le festival de Asiatopia. Nous avait invité, moi, Esther Ferrer, par exemple, parce qu'il était en train de se mettre dans l'idée qu'il devait avoir un musée. Il nous avait demandé qu'est-ce que c'est qu'on pensait qu'on devrait avoir comme musée, disons, dans une ville comme Bangkok. Et on l'avait dit, et c'est effectivement ceci, de pas imiter la muséologie occidentale. D'essayer de faire un truc un peu plus original. Mm-hmm. Ça, quand vous parlez d'un centre d'achat, c'est évident que quand on rentre, c'est des boutiques, c'est des gens qui font des portraits, vont des petites expos. Plus on monte dans le centre, plus ce sont appelons ça des œuvres plus muséologiques. Exact. Donc, on fonctionne un peu à l'envers, comme nous, on fonctionnerait. Donc, ils attirent par l'alimentation, je peux m'exprimer ainsi, par des trucs plus spectaculaires. Puis tout à coup, après ça, ils auront la possibilité, un peu plus tard, d'aller en haut voir les expositions. Et c'est un musée qui est énorme. C'est surtout parce que mon ami Shumpa Napisuk, à un moment donné, j'avais pitonné dans Bangkok Art and Culture Center. D'ailleurs, tout le monde peut le faire dans Google. Vous allez voir la grosseur de cet édifice. C'est énorme. Et mon ami Shumpon était sur le conseil d'administration du musée comme représentant des artistes. Okay. Donc, parce qu'il fait le festival, eux, ils ont une raison sociale qui s'appelle Concrete House. Et aussi, ils font la campagne contre le sida de la ville de Bangkok. Ils ont reçu le prix de l'ONG de l'année il y a à peu près 4-5 ans. Là, c'est sa femme qui a Empower, qui ont du fric de plein de fondation parce qu'ils font ces spécialistes presque mondiales sur le sida, ils rééduquent les prostituées, etc., etc. Et ils ont aussi une raison sociale qui s'appelle Concrete House, c'est-à-dire de faire des manifestations artistiques. Donc, c'est vraiment, la plupart du temps, axé sur le social et du moins, vraiment sur l'implication à l'intérieur des réseaux sociaux, etc., etc. Donc, c'est sûr que ça, on a le fait que je suis pas d'appeler ça que ce soit sur le comité de pas de direction mais d'administration, ça a favorisé évidemment les choses. Mm-hmm. Et donc on a pu les convaincre parce qu'au début même on comprenait pas pourquoi qu'on voulait faire un échange avec Québec. Pourquoi on m'a dit vous voulez pas faire un échange avec le Canada? J'ai dit je n'annule pas le pays. C'est une idée, c'est de faire des jumelages de ville à ville. Exact. Et aussi pour permettre à nos artistes de Québec de rester à Québec, parce que moi, je dis tout le temps c'est la stratégie de la fraye comme le saumon. Si tu permets à l'artiste d'aller présenter son travail à l'extérieur, il va revenir, il va rester dans sa communauté. C'est mon avis d'ailleurs, peut-être que je me trompe. Et finalement, c'était ça l'idée, finalement, c'est aussi de jumeler donc de ville à ville. Et c'est plus facile aussi de pouvoir circonscrire la répartition des artistes dans ces zones-là. Oui. Et puis, comment s'est fait le choix des artistes thaïlandais? Est-ce que c'était des appels de dossiers? Est-ce que c'est les centres d'artistes ici qui ont choisi les artistes thaïlandais ou... Dans les deux cas, on a fonctionné de la même manière. Chacun des centres a envoyé à peu près comme 4 dossiers. Et les gens là-bas, dans notre cas, ça a été la même chose. On a envoyé 4 dossiers de par centre d'artiste, donc 4 dossiers de vue ou l'œil de poisson, et de vue et de la chambre blanche, et on a sélectionné la moitié. Donc, ça a été la même chose au retour aussi. Les dossiers ont été envoyés au centre d'artiste qui, eux, en ont sélectionné à peu près la moitié. Donc, à peu près de 2 sur 4. Donc, ça a été un peu plus compliqué, mais ça a très bien marché. On est très, très, très satisfait parce que ce qui est bien, c'est d'avoir dans nos centres d'artistes tout à coup une délégation de quand même 9 artistes de Thaïlande. On voit aussi que la globalisation fait que maintenant les gens utilisent les mêmes logiciels ou même les mêmes matériaux, je peux pas même ici. Donc, les artistes thaïlandais sont autant au fait, évidemment, de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles machines-là que nous-mêmes ici. Donc, ça a été la délégation québécoise sont allés en septembre-octobre dernier. Et tandis que là, on voulait, nous, que les Thaïlandais puissent peut-être connaître un peu l'hiver québécois. Alors, c'est pour ça qu'on avait décidé de les amener ici au mois de mars. Ça semble quand même beaucoup avoir marqué leur résidence puis leur proposition, cette expérience qu'ils ont fait du climat hivernal ici, dans plusieurs expositions qu'on voit dans l'échange. Oui, effectivement, à part Vatani, qui est au lieu, qui, elle, a travaillé avec le vidéo, donc elle fait ses vidéos en Thaïlande, donc c'est vraiment une dimension purement thaïlandaise. Ce qu'il a, mais dans le cas de l'artiste qui est à la Chambre blanche, j'ai été très impressionné par le fait qu'on habille les arbres ici durant l'hiver. Oui. Alors, ce qu'il fait, c'est un peu comme des habillements d'arbres avec d'autres éléments aussi. Donc, c'est sûr que le contexte a déterminé, appelons ça, le travail des artistes. Disons, c'est quand même assez heureux parce qu'ils ont été ici à peu près, ils ont eu 10 jours pour tout faire en bon québécois. Là. Oui. Même chose aussi pour les artistes québécois aussi. Ça, en fait, moi, j'ai vu quelques photos du résultat. Puis c'est assez... On voit aussi que cette culture-là, la culture thaïlandaise, les a beaucoup inspirés dans leur travail également aussi, là. Oui, ça a été évidemment dans les éditions précédentes qu'on a fait des échanges. Souvent, on avait un container complet d'œuvres. Bon, ça coûte très cher de transport aussi. Oui. Et ce qui fait que dans les derniers projets, on a émis la possibilité que les artistes puissent travailler sur place en bon québécois. Et il y a des ressources aussi à ce centre qui s'appelle le Bancourt Art and Culture Center. Au niveau de la photo, par exemple, ils ont pu imprimer les photos sur place. D'ailleurs, les artistes les ont laissés là-bas, les artistes. Ce qui est intéressant aussi chez vous, c'est de voir les deux. Dans la petite galerie, il y a les artistes qui ont exposé en Thaïlande, donc au Bangkok Center. Tandis que, évidemment, dans la grande pièce, c'est les deux artistes thaïlandais qui ont été sélectionnés. Exact, oui. Oui, c'est intéressant de pouvoir voir les productions qui sont faites de part et d'autre dans la même exposition. C'est sûr que c'est pas tous les centres qui ont assez d'espace pour pouvoir proposer ça. Merci beaucoup Richard Martel d'être venu nous parler de l'échange à la rencontre de l'autre, donc échange Québec-Bangkok, présenté au lieu jusqu'au 8 avril, à la Chambre blanche jusqu'au 10 avril, à vue et à l'œil de poisson jusqu'au 17 avril, et Avatar qui présente dans la galerie de Manif d'art jusqu'au 3 avril. Et il y a eu des performances le 11 mars avec deux artistes, un couple d'artistes, donc une fille et un garçon qui ont fait des performances au lieu, en même temps que la conférence aussi de Vatani. Oui, c'est ça, j'allais dire. Vous en avez profité pour faire des conférences aussi en même temps. Oui. C'est bien. Et ça, c'était pour expliquer un peu, c'était le début évidemment du projet. Et on est très satisfaits et on se pose même la question si on ne devrait pas réitérer avec le Bancourt Center, peut-être dans 2 ou 3 ans, faire un autre projet de site, parce que ça a bien marché en bon québécois et tous les gens étaient très satisfaits, les artistes étaient très satisfaits, puis c'est bon pour nos artistes aussi d'avoir une expérience dans d'autres zones culturelles et non pas de rester toujours Europe ou aux États-Unis. Alors, dossier à suivre, peut-être un Québec-Bangkok numéro 2. Ou alors, peut-être avec Xi'an aussi, la ville de Xi'an en Chine, années, ou peut-être, oui. Donc, plein de beaux projets d'échange qui fait voyager nos artistes et qui nous fait découvrir des artistes d'un peu partout dans le monde. Alors, on va partir en pause audio avec un extrait de TV Ski toujours, The Sixth World. C'est bon. Thank you. De retour à l'aérospatiale, vous êtes toujours en compagnie de Audrey Caro et de Gentiane Lafrance. On reçoit au téléphone en entrevue Alexandre Berthier. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Audrey. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, alors tu as réalisé un documentaire en compagnie de Marie Fraser, donc un documentaire BGL Canadacimo qui sera présenté en grande première ce vendredi 1er avril au Musée national des beaux-arts du Québec. Et ce documentaire-là, finalement, retrace le parcours de BGL qui, on le sait, a représenté le Canada à la Biennale de Venise. J'étais curieuse de te demander, justement, de quel moment, à partir de quel moment tu les as suivis et jusqu'où tu les as suivis dans ce périple? Oui, alors moi, j'ai commencé à l'automne avant, donc l'automne 2014. Oui. Quand ils étaient en plein travail sur l'œuvre. Mm-hmm. Donc, je pense que j'ai commencé à les filmer au mois de novembre. Mm-hmm. Et ce, jusqu'au départ, on est partis tous ensemble à fin mars. Donc, ça a été plusieurs mois de documentation du travail en atelier. Oui. Et ça, jusqu'à l'ouverture, dans le fond, de la Biennale au début de mai 2015, c'est ça? Ah oui, après à Venise, on est resté 2 mois et on a effectivement, j'ai documenté tout le processus d'installation de l'œuvre, sachant qu'il y avait des choses qui avaient déjà été montées à Québec, démontées, remontées, et puis il y avait des choses qui n'avaient jamais été finies. Donc, il y a eu vraiment un travail aussi de sur place. Donc, j'ai effectivement documenté tout ça. Moi, j'étais curieuse de te demander quelle était ton approche par rapport à ce documentaire-là. Par là, je veux dire, est-ce qu'on voit tout simplement, est-ce que c'est que les artistes qui sont là? Est-ce qu'il y a des intervenants qui sont là? De quelle manière tu as abordé ce documentaire? En fait, l'idée étant de coller un maximum à l'œuvre elle-même, et sachant aussi que les BGL, tout en travaillant, et eux, c'était difficile pour eux de discuter du travail en cours, en fait. Mm-hmm. Eux, ils préfèrent en parler une fois que c'est fait avec le recul. Donc, on a mis en place, à un moment donné, une discussion entre Marie Fraser, qui est la commissaire et la co-réalisatrice du film, une discussion avec les BGL qui a été filmée, en fait, et qui ponctue l'ensemble du film. Donc, cette discussion avec les BGL donne beaucoup de clés, en fait, sur le travail qui était en cours, en fait. Puis on les voit vraiment en pleine création, j'imagine. Je me rappelle une petite bande annonce que tu avais fait là il y a quelques mois de ça, justement en préparation à la Biennale, où on les voyait en atelier en train de travailler. J'imagine qu'on va retrouver ces images-là, justement, du travail, des artistes au travail. Oui, bien sûr, on les voit beaucoup au travail, mais on les voit aussi interagir avec toutes les personnes clés du projet, parce que ça inclut tous les gens du musée d'Ottawa, mm-hmm. ça inclut les gens là-bas, donc ils sont pas seuls, ils sont assez rarement seuls, en fait, dans le film. On les voit beaucoup interagir avec ces gens-là, soit des discussions, soit que ce soit pour l'emballage des œuvres, le déballage, l'installation, etc., etc. Donc, c'est les moments où ils sont tout seuls en atelier, il y en a, mais c'est pas la majorité du film, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui les dépasse, dans le sens où c'est une telle organisation que ça prend une échelle particulière, quoi. C'est ça. Puis c'est aussi une préparation qu'un artiste a rarement l'opportunité de vivre dans une carrière aussi, là, de représenter le Canada à un événement aussi prestigieux, aussi grandiose. Est-ce qu'on voit aussi des images de l'ouverture aussi? Parce qu'il y a toute une faune qui est là à cette ouverture-là, une faune internationale d'amateurs d'art. On en voit, mais on n'a pas trop focalisé là-dessus, non. Okay. C'est pas parce que, une fois que la Biennale a commencé, c'était pas tant notre sujet, nous. On s'est vraiment focalisé sur eux, mais il y a aussi le fait qu'eux ont fait une œuvre d'ampleur, vraiment. Il y a des gens, il y a d'autres années, des artistes canadiens ont juste des tableaux, et puis j'imagine que l'installation devait être beaucoup plus simple. Eux, ils ont vraiment habité le lieu, transformé le lieu, donc c'est vrai que c'était un gros, gros travail dans l'ensemble, en fait. Exact. Je sais aussi que le théâtre Rue d'Ingénierie a fait la trame musicale pour ce documentaire et ils vont faire une performance spéciale aussi lors du soir de la présentation. J'étais curieuse de savoir justement comment cette musique-là, est-ce qu'elle est tout simplement en accompagnement ou elle a une présence particulière? Bon, là, il y a un petit malentendu là-dessus. Il n'y a pas de trame sonore de Rue d'Ingénierie. Je pense que c'est les gens du musée se sont trompés sur la page. Rue d'Ingénierie a été invité à Venise pour faire un concert lors du party d'ouverture. Oui, c'est vrai. Et effectivement, j'utilise un morceau de ce concert dans le film, mais il n'y a pas de trame sonore tant que ça. Mais eux, c'était important aussi de les mettre dans le film parce qu'ils étaient là aussi à Venise. Et comme on n'a pas de traces visuelles de ce concert, parce que c'était la fête et que voilà, on était déjà dans autre chose, on a mis un morceau en fin de film, mais il n'y a pas vraiment de trame sonore. Okay. Ils seront quand même là le soir pour une performance spéciale. Ils seront là juste après le film. Ils vont jouer un peu de ce fameux concert qui avait été joué à Venise. Et dont le projet s'appelle finalement Venise. Et ils l'ont rejoué en mois multi récemment et le nom s'appelle Venise. En fait, ils ont gardé le nom. Parfait. Et puis, moi, j'étais curieuse de te demander, toi qui les as suivis pendant de nombreux mois, justement, dans les préparatifs, est-ce qu'il y a une anecdote, un fait cocasse ou un fait marquant que tu te rappelles par rapport à dans toute cette aventure? Dans toute l'aventure. Là, je suis un peu pris de court. Le fait cocasse, les BGL sont cocasses. Oui, c'est sûr. Eux-mêmes sont cocasses, déjà. Non, là, de tête de mémoire, j'essaie de réfléchir très vite. Je suis pas spécialement, mais moi, je me rappelle surtout qu'on a eu énormément de bon temps tous ensemble, parce qu'on était tous ensemble pendant quasiment 2 mois, et donc on a... C'était très fort aussi ce qu'on a vécu. On mangeait tout ensemble. Il y a quelque chose d'assez très familial, en fait. Mais j'ai pas en tête. Mais peut-être que vendredi, j'en présenterai une. Oui, parfait. Et puis, je voulais aussi savoir, est-ce que, bon, il y a cette présentation-là qui est faite au musée vendredi, mais par la suite, ce documentaire, est-ce qu'il va être présenté ailleurs, distribué sur le web, peut-être? Alors, oui, il y a... Spira s'occupe de la distribution du film. Oui. Et c'est sûr qu'on vise d'autres projections prochainement. Il n'y a pas de date encore précise, mais sûrement à Montréal, sûrement à Ottawa, encore dans un contexte peut-être plus de musée. Et après, c'est sûr qu'il va être envoyé dans certains festivals. Et ultimement, il y aura un DVD qui va sortir, et puis probablement il sera visible en ligne à un moment donné, mais ça... J'ai pas le calendrier de tout ça encore en tête, mais... Mais il va y avoir une vie quand même après, là. Exactement. On ne travaille pas aussi fort sur un projet pour que ça s'arrête. Effectivement. One shot, quoi. Parfait. Donc, peut-être dire aux gens que le film est d'une durée d'environ 1h05. Oui, exactement. Et puis, donc, présenté en primeur de façon gratuite au Musée national des Beaux-Arts du Québec ce vendredi à compter de 19h. Donc, à l'auditorium. Donc, avec un placement libre, hein, donc il n'y a pas de réservation possible. OK, donc premier arrivé, premier servi. Exactement. Alors, Alex, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre entretien ici ce soir. On te laisse filer car je sais que tu as beaucoup à faire. Alors, merci beaucoup et bonne soirée ce vendredi. Merci, bonsoir à tout le monde et à tous les auditeurs. Parfait, bonsoir. Bye bye. Au revoir. Donc, nous, on va aller faire une courte pause audio et on revient pour un rappel des événements de la semaine. Eh bien, l'émission tire bientôt à sa fin et avant de vous quitter, on voulait vous faire un rappel des événements. Jean-Tiane, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, une semaine très peu remplie, mais avec des événements très intéressants. Demain, il va y avoir une table ronde des conversations autour de la question du document dans les pratiques photographiques actuelles. Ça va se passer à Vue en après-midi avec Richard Paillargeon, Eve Cadieux et Renaud Philippe, donc qui vont venir entretenir des réflexions autour de la question du document à l'ère de la dématérialisation, la légitimation de certains documents, le document versus l'œuvre d'art. Donc ça risque d'être assez intéressant. Jeudi, il va y avoir le vernissage des finissants en art du Cégep Lévis-Lauzon à Regard à partir de 18h. Vendredi, on rappelle encore une fois la projection de BGL Canadissimo, le documentaire d'Alexandre Berthier et de Marie Fraser sur l'œuvre de BGL présentée à la Biennale de Venise. Ça va être à l'auditorium du Musée national des beaux-arts à partir de 19h et c'est gratuit. Arrivez tôt, comme le disait Alex tout à l'heure. Et samedi, il va y avoir une présentation du théâtre Rude Ingénierie. Donc, ça va être à 20h au 787 rue des Glacis, donc l'ancien... Le Diamant. Le Diamant, c'est ça. J'allais dire l'ancien YMCA, mais c'est le futur Diamant et l'ancien YMCA, exact. Donc entre deux. Qui vont... présenter un projet multidisciplinaire avec 8 performeurs au public. Et finalement, dimanche, il va y avoir notre participation à nous. Oui, il faut le dire, parce que c'est le Radioton, c'est vendredi, samedi et dimanche. C'est ça. Et on va participer à l'émission spéciale. Oui, une émission qui s'appelle La guerre des arts. Alors voilà, il va falloir nous entendre parce qu'on va combattre, si on peut dire, oui, ici. Contre le cinéma, la bande dessinée. Et, la littérature. La littérature. Tout, donc, ouais. Nous, on va défendre les œuvres en art visuel sur certains thèmes. À suivre pour le Radioton. Donc, dimanche à midi pour tout le monde. Et finalement, lundi prochain à 19h30 au Musée national des beaux-arts. Une conférence sur la fiscalité et les arts visuels présentée par le Cercle des collectionneurs. Le Club des collectionneurs. Pardon, le Club des collectionneurs. Excellent. Nous, on doit se quitter déjà, mais merci beaucoup pour ce rappel, Jean-Tiane, des événements. On va remercier aussi nos invités, Marie-Christiane Mathieu, Anne-Josée Lacombe, Richard Martel et Alex Berthier. Toujours nos collaborateurs, Simon Roy et Jacques Gignac, nos fidèles à chaque semaine. Et merci beaucoup, Jean-Tiane, pour la co-animation merci ce soir. À toi, Audrey. On laisse la place à Pierre Blais et son émission Situation critique. Et nous, on se dit, si vous voulez, à dimanche midi ou sinon mardi prochain, 17h30. Bonne semaine. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com. 1, 2, 3, 4 et... Le Radioton de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Objectif, 40 000$. Le Radioton de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 1er avril 17h et vous pourriez gagner le prix spécial pré-radioton de 150$ de la boutique Le Pédalier et le prix spécial Membership, un panier de certificats cadeaux d'une valeur de 200$. Pour renouveler votre carte ou faire un don,